Maroc, première classe, t'école pour autre pas. Voilà via Casa, j'm'en fous de tête, cotard ou pas. Failli foutre le feu à la casse base, m'en bats les couilles, appelez les pompes là. Le rap français sonne comme du sauciflard. On vient tous de la poussière, les négros sont comme la terre. Le but c'est comme l'eau, maintenant tu peux comprendre la tectonique des plaques. Deux droits plaques, une vite se baisse et boum. Maintenant tu danses la tectonique des plaques. Gerbe de fleurs, mais ta tête donne la gerbe. Pourquoi si jeune merde? C'est toujours le même rythme ternaire, la même transitivité. Les mecs sont baisés et viennent t'enculer pour que tu puisses pas les niquer. On finit tous pénétrés, la lâcheté maintient notre intelligence domptée. Drou, on a tous vu, on sera tous touchés. Car aussi vrai que l'œil n'a pas de frein, l'enfer n'a pas de pompier. Hier encore, ils ont tiré sur un jeune de ton quartier. Deux plombs dans la cervelle, au feu, sa tête brûle, au feu. Vol direct pour le jugement dernier, j'attache ma ceinture. On traverse une zone de turbulence. Pas terrible leur jus d'orange. J'écoute les derniers beats de Fred, histoire de changer d'ambiance. Les coups de pompe dans ma caboche ont laissé des séquelles. Tout le monde se méfie de l'autrui. J'entends trop de foutaises de la city à la télé. Y'a du trafic de Jubel, j'suis une charole décapitée. Et je regarde du haut de cette colline qui a des yeux. La pitié n'existe plus. Si je suis en retard, ouais, c'est que j'ai pas quitté tout de suite. Doucement me dit l'alco, c'est chacun son tour. J'ai des ennuis et des envies. Prendre le dernier vol de nuit. Que les gens j'vais sur nous comme Satan. J'ai pas besoin d'écouter leurs histoires en admirant cette géographie. Les gars veulent devenir des filles. Et les filles veulent devenir des schlags. Le monde tourne à l'envers, ouais, direct sur l'enfer. On se fout droit pour ce pouvoir. L'État veut nous faire tapiner sur ce putain de trottoir. Faut voir la vérité en face. Un mal c'est dominant et n'aime pas se faire dominer. Ma fierté se fera violer le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier. C'est maintenant que les phrases qu'on me disait sur la famille ont de l'impact. Je traîne avec des rats, des lions, des chats. J'en venir la patate. Baron, tu nous manques, mon frère. Maintenant, je prends mes voiles seuls. En plus, je les paye pour mon billet, mon frère. Tous ces éclats de rire, toutes ces nuits de fête. Pointe à pite, Yaoundé sur un coup de tête. Avec Pablo, Paradia, Black N. Je me rappelle de toutes ces belles filles shootées au rêve. Les tables, les locations, les avions. Elles ont toutes fini par dormir. Au Montmélie, Alfortville, Rue Véron. L'Atlantis des années 99-2000. Tous les weeks, pendant 3 piges. Un VIP cash flow, t'aimes, t'es tout tête jusqu'à la famille. Le reste de la salle nous regardait comme un clip. Un sourire calmait la jalousie des videurs. C'est après ta mort que j'ai compris que tu n'avais jamais peur à un pif. Tu te rappelles à Créteil Soleil, handicapé de son état, il a semé les decks. Il était incroyable ce mec. Quand je pense qu'on l'a enterré, il y a déjà plus de 200 semaines. Drôle de vie, encore 4 heures de vol. Je crois que je vais prendre cette prod et m'inspire. Madame, s'il vous plaît, pourriez-vous baisser la clim? Merci. Les coups de pompe dans ma caboche ont laissé des séquelles. Tout le monde se méfie de l'autrui. J'entends trop de foutaises de la city à la télé. Y'a du trafic de Jubel, j'suis une charole décapitée. Et je regarde du haut de cette colline qui a des yeux. La pitié n'existe plus. Si je suis en retard, ouais, c'est que j'ai pas quitté tout de suite. Doucement me dit l'alco, c'est chacun son tour. J'ai des ennuis et des envies. Prendre le dernier vol de nuit. Que les gens j'vais sur nous comme Satan. J'ai pas besoin d'écouter leurs histoires en admirant cette géographie. Les gars veulent devenir des filles. Et les filles veulent devenir des schlags. Le monde tourne à l'envers, ouais, direct sur l'enfer. On se fout droit pour ce pouvoir. L'État veut nous faire tapiner sur ce putain de trottoir. Faut voir la vérité en face. Un mal c'est dominant et n'aime pas se faire dominer. Ma fierté se fera violer le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier. J'ai toujours eu du respect pour ma mère. J'arrive au monde un peu avant les premiers cas de sida. Avec l'amour de tes pièces que j'aime en cinquième. Je mets un premier terme à ma carrière scolaire. Affronte les yeux de mon père et sa manière de colère. Je crache au visage ceux qui sont encore là pour moi. Boss fils fait chef d'orchestre, vol de voiture, cambriolage, escroquerie. Le gardien d'or, on passera par toi. Jeune fille, vends ton sexe pour moi. Parle-moi, dis-moi que j'arriverai à revenir en France grâce à toi. Tu serais mignon, jeune comme ce million qui danse entre mes doigts. Tu m'as connu, j'avais ce flingue qui tue. Pas sa classe réveillée, hier encore il m'appartenait pas. Un pote emprunté, j'ai dit, j'y dormais sous l'oreiller de quelqu'un qui avait peur pour ses fesses corrompues. Tu comprends pourquoi on peut agir comme si la pluie ne mouille plus. En nightclub, je fais respect. Comme si la folie ne s'arrête pas. Fuck les antiques, fuck le GSO, fuck la bracelet. La première fois qu'ils m'ont tabassé, j'avais rien fait. Si tu fais serrer, ferme ta gueule. Et si tes yeux savent brûler, négro en bracelet. T'as vu ces mecs en low cruiser, hein? T'as vu ce mec que j'ai tabassé parce qu'il voulait humilier ma soeur. T'as vu ces fils de voleurs, hein? Dans 10 ans, ils demanderont tous pardon à mes stickers. Et j'ai pris des vols et des vols pour fuir le bled. Des vols et des vols pour fuir le chess. Des vols et des vols pour fuir ma ville. Et ça n'a rien changé. Je suis perpétuellement dans un vol de nuit.